Sans moi, de Marie Desplechin. Adaptation, Catel Guillot. Sur les conseils de plusieurs de mes amis, j'avais engagé Olivia pour s'occuper de mes enfants, Suzanne et Gaspard. Au début de la nouvelle année, Olivia a trouvé un travail dans un magazine People. Au gré de ses aveux sur les agissements sordides de son beau-frère et sur ses propres sorties nocturnes dans des boîtes échangistes, j'ai fini par comprendre qu'au fond, elle était une sorte de sainte à sa manière. Malgré tout, ses récits m'avaient bouleversé au point de menacer directement ma propre sexualité. Dixième épisode. Le printemps est arrivé, et avec lui cette odeur de jacinthe et d'eau, si touchante en ville où elle se mélange à la poussière des diesels et aux vapeurs d'essence. Dans la rue, les adolescents chantaient. Les femmes étaient gaies et jolies. J'aurais dû, moi aussi, participer au réveil général. Mais non. Chaque jour nouveau me trouvait un peu plus triste. Ce n'était pas la joie qui me manquait, c'était le courage qui me faisait défaut, et la force. La fatigue me prenait tout entière, et plus rien ne lui faisait obstacle, ni le café, ni l'alcool, ni l'amour. Je tentais de résister en forçant mon corps, mais plus je voulais l'ignorer, plus il prenait de place. Je n'avais plus d'esprit, plus d'âme. J'étais réduite à ce corps, encombrant et triste. Et il passait une bonne partie de mon temps à pleurer. Merci les enfants. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est un tapis de souris. Non, mais c'est une bonne idée ça, dis donc. J'ai jamais eu de si beau, moi. Oui, si tu avais dit. Mais est-ce que ça te plaît ? Ah bah oui. Logiquement, est arrivé le moment où j'ai songé à mourir. Je ne voyais pas d'autre issue à ma fatigue. L'idée me devenait familière. Elle me rassurait, moins douloureuse que toutes les autres idées, les matins épuisés, le loyer à payer, les papiers à rendre, et Lydie qui me convoquait à d'interminables réunions de réécriture où elle me martyrisait comme un gosse. Je dressais des plans sur l'avenir. Je comptais sur Jean-François pour s'occuper de nos enfants une fois que je n'y serais plus. Il était si tendrement paternel. Pourtant, j'aimais trop Gaspard et Suzanne pour imaginer renoncer à leur compagnie. Et à ce stade de ma réflexion, je fondais immanquablement en larmes. Mais les jours passant, j'en vins à douter de plus en plus gravement de ce que je pouvais bien apporter à mes enfants. Je tombais dans un puits très profond, aux parois faites de doutes et de contraintes. Je tombais seul et sans fin. Un vendredi, enfin, j'ai résolu de mourir. J'ai appelé Jean-François pour lui demander de prendre exceptionnellement les enfants chez lui pour ce week-end qui n'était pas le sien. J'ai prétexté le travail prenant, les dossiers en retard, notre commun besoin d'argent. Ça m'arrangerait. D'accord, pas de problème. Merci. T'es fatigué ? Ouais, un petit peu en ce moment. Oui, non mais moi je comprends. Moi je viens de demander un temps partiel. J'ai absolument besoin de lire et puis de faire de l'aïkido. Ah. Enfin, tu vois, toutes ces choses vitales. C'est l'avantage de la fonction publique. On gagne peu, mais on a du temps. Bon, je viendrai chercher les petits demain matin. Le soir, j'ai négligé de travailler. À quoi bon travailler le vendredi quand on veut mourir le samedi ? J'étais seule. Olivia était sortie sans me dire où elle allait, ce qui me laissait penser que je ne la reverrais pas de sitôt. Assise dans le canapé à côté de la bouteille de vodka, j'ai regardé la télé toute la soirée en attendant le matin. Je n'avais plus de souvenirs, plus de projets. Je n'avais plus rien que l'attente et la détermination. Mais ce soir-là, Olivia était tout simplement allée au cinéma. Après la séance, avant de monter dans sa chambre, elle est repassée par l'appartement. Elle me regardait avec consternation. Sans ôter son blouson, elle a éteint la télé Elle a emporté la bouteille de vodka à la cuisine. J'ai pensé un instant qu'elle voulait me parler, mais non. Elle va te coucher. Je vais dormir dans le salon. Voilà qu'elle me donnait un ordre, elle. Un ordre solide et franc sur lequel m'appuyer. Quel culot. J'étais trop saoule pour rechigner, alors j'ai obéi. Je me suis lentement levée du canapé. Pendant ce temps, elle est allée chercher un t-shirt dans le bac à repassage et une couverture. J'ai traversé la pièce tant bien que mal. Puis j'ai voulu éteindre la lumière. Non, non, mais laisse. C'est bien, je peux pas dormir dans le noir. Je suis tombée sur mon lit tout habillée. J'ai pensé que je n'arriverais pas à m'endormir tant l'alcool me soulevait le cœur. Mais de ma chambre sombre, je voyais la lumière du séjour qui éclairait le couloir et j'entendais vaguement la radio monotone. Alors j'ai pleuré et je me suis endormie. J'ouvrais les yeux de temps en temps. Derrière mes paupières défilaient des images semblables à des motifs imprimés. Des bols, des palmiers, des cascades. Bientôt, ils furent partis, mes enfants et leur père, qui me semblaient si joyeux et si dignes de vivre. Moi, j'étais usée. J'avais accumulé sur la dernière étagère de l'armoire de la salle de bain assez de médicaments pour m'endormir pour de bon. À condition qu'on me laisse seule, bien entendu, le temps de mourir. À condition qu'Olivia vide les lieux. Mais elle vaquait dans la cuisine, puis dans la chambre des enfants, puis dans le séjour. Qu'est-ce qu'elle fabriquait donc ? Pourquoi ne filait-elle pas s'occuper de ses affaires, de ses amis, de son théâtre, comme elle le faisait d'habitude le samedi ? Pourquoi n'avait-elle pas rendez-vous chez le gynécologue, le phlébologue, chez le psychothérapeute ? Je me suis levée et j'ai foncé à la cuisine. J'entendais bien me faire quand même un dernier café. Salut. Bah attends. Attends, assieds-toi, je vais te faire ton café. Elle ne s'est informée ni de ma santé physique, ni de ma santé morale. Elle m'a à peine jeté un coup d'œil. Elle m'a fait du café et a grillé pour moi une tranche de pain qu'elle a recouverte d'une épaisse couche de beurre. T'as rien à faire aujourd'hui ? Je sais pas encore, je vais voir. Je dois travailler, tu sais ? Oui. Là-dessus, elle a rempli mon bol et elle est partie s'enfermer dans la salle de bain. Elle y est restée un temps considérable. Je m'étais recouchée et me livrais à la réflexion. Je veux dire que je pleurais à chaudes larmes. Ayant renoncé à toute action sur le monde, abandonnée au désespoir. Quand elle est sortie de la salle de bain, les yeux me brûlaient. Elle est entrée dans ma chambre et elle a contemplé mon lit. J'étais roulée en boule sous la couette, cachant mon visage défait. Allez, sors de là, je sais bien que ça va pas. C'est pas la peine de faire la maligne. J'ai sorti le nez de mon terrier de coton. Tu verrais ta tête. Ça vaudrait la photo. Couler un bain. Elle a attrapé le paquet de cigarettes qui traînait sur mon bureau. Olivia. Et s'est assise au bord de mon lit. Je crois que je suis vraiment en train de déconner là. Si tu veux mon avis, ça fait un bout de temps que tu déconnes. Tu devras aller te laver. J'ai dit ça pour ton bien. Je me suis levée et je suis allée à la salle de bain. Je ne voulais pas me baigner. Je voulais juste mes cachets. Je me suis hissée sur la pointe des pieds, j'ai repoussé le tas de serviettes éponges, j'ai tapé du plat de la main dans les recoins de l'étagère, mais j'ai rien trouvé. Pas une seule des boîtes que j'avais soigneusement rassemblées et dissimulées au regard. Désemparée, je me suis déshabillée et glissée dans l'eau caressante. J'ai longuement regardé mes jambes à travers le prisme liquide. Je me suis étonnée de voir mes pieds si minutieux avec tous leurs orteils en place. Et le dessin que formaient les petits os, et les veines sous la peau fine. La chaleur vaporeuse m'est montée au visage, et je me suis assoupie à demi. Au milieu de la matinée, j'avais pris mon petit déjeuner. J'étais propre et habillée. Ce matin de deuil avait pris des allures de lendemain de cuite. Je me sentais ridicule. Ridicule et minable. Ouais. Où ils sont passés les médocs qui étaient rangés en haut de l'armoire de la salle de bain, là? Bah j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu veux que je m'occupe de tout ce qui se passe dans cet appartement? Mais arrête de mentir. Tu viens de les prendre, là. Ah non? Si. Elle me dévisageait avec effronterie. Prouve-le. Si mon allure n'avait pas été pitoyable, elle m'aurait ri au nez. Je veux un cachet. D'accord, mais seulement pour ce matin. Après, faudra plus que tu m'en réclames. Hein. Attends, ouais, bouge pas, je vais chercher le matos. Elle m'a donné 2 lits Anxia et je me suis recouchée. Le printemps avait beau être pourri, ce samedi de suicide fut un bon samedi et un samedi de grand repos et de paisible solitude. Ayant renoncé au monde, je n'avais prévu aucune activité. Je n'avais pas à travailler, et après tout, j'étais entre la vie et la mort. Je pouvais donc rester au lit aussi longtemps que je le souhaitais. J'étais au pays de personne, supposée morte. J'étais un enfant malade à qui on donne le droit d'oublier ses devoirs. Un enfant ravagé de rêves fébriles. Olivia passait dans ma chambre, à intervalles réguliers, me fourrait dans le bec 1 ou 2 cachets bleutés qui me renvoyaient illico dans les limbes du sommeil. Il faisait nuit quand elle me hurla dans l'oreille. Hé, réveille-toi, c'est l'heure du dîner. Hé, allez. Allez, dépêche-toi. Viens. Allez, viens, ça va être froid. Elle tira ma couette à mes pieds et m'entraîna dans la salle de séjour. Sur la moquette trônait une boîte en carton plate et grise, de laquelle émanait une vague odeur de fromage. Pizza Reine. 15 euros, c'est moi qui paye. J'ai eu un peu de difficulté à manger dignement, assise en tailleur, avec mes seules mains pour tout couvert. Les morceaux de pizza avaient tendance à s'échapper de ma bouche molle pour dévaler sur mes genoux. Mais Olivia ne me regardait pas. Elle regardait la télé. Ensuite, ce fut la nuit. Il ne fait pas de doute qu'Olivia a dormi une nouvelle fois dans le séjour et qu'elle a veillé sur mon sommeil profond. Mais je ne me souviens plus de rien. Un autre jour commença. Il y eut des croissants et du café. Un autre bain chaud. Et Olivia qui me regardait toujours sans rien dire. J'avais mal à la tête. J'étais vivante et vide. Puis très vite, la peur insolente est revenue. Il allait falloir que je m'y remette, remplir le frigo, reprendre le métro, répondre au téléphone. L'argent du loyer et les papiers en retard. Le pouls s'est mis à me battre partout dans le corps. Oh, merde. Tiens, prends des cachets. Je t'en donne pas plus pour le moment parce que j'ai pas envie que tu me claques entre les doigts. Allez, doucement. Tiens, merci. J'étais toujours au lit quand Olivia a décidé de mettre de l'ordre dans la bibliothèque. Je me suis dit que c'était là une idée cocasse. Elle se moquait des livres comme de l'an 40. Si je les rangeais par taille et par couleur, ça serait tout de suite moins moche, non? Non, ça marchera pas, ça. Bon, alors je te lis les titres et tu m'indiques où je les mets, d'accord? Mais non, mais... faudrait déjà que j'ai réfléchi à un classement pour ça. Voilà, mais t'es lourde. Je te propose de ranger. Toi, tu fais aucun effort. Je te jure, c'est le bordel quand on rentre chez toi. Tous ces bouquins entassés, là, n'importe comment. Si tu trias, au moins, je pourrais en prendre pour la bibliothèque du foyer. Tu vas quand même pas me dire que t'as besoin de garder tout ça chez toi. Regarde, j'en prends un au hasard. Les pensées. Ok. T'en as 3 et c'est le même auteur. En plus, ça se trouve, c'est le même bouquin. Ils sont vieux comme tout. Qu'est-ce que t'as besoin d'en garder 3, tu peux me dire? On remarque qu'ils en voudront même pas de ce truc au foyer. Des livres de poche qui ont l'air d'avoir un siècle, ça va intéresser qui, franchement? Ils sont voisins, là, les amours. Celui-là, en même temps, il va pleurer aux filles. Tu verrais comment elles sont niaises. Et encore, je te parle que de celles qui savent lire. Hein. Bon, je te fais 2 tas, ok? Mais non, mais... Les essais. Mais attends, c'est pas une bibliothèque, ça, c'est le dictionnaire, si je te jure. C'est pas vrai. Attends, là, quand même. Alors. Olivia, attends. Je vais les faire. Attends, Olivia, là, attends. Ok, suffit, là. Regarde, t'as qu'à mettre de côté ceux que t'aimes vraiment. On va d'abord ranger ceux-là, là. Tiens, Les Misérables, ça me dit quelque chose, ça. Très bien, ça, tu devrais le lire. Tu vas pas recommencer, je suis pas ton gosse. Et si je te marque les meilleurs passages? Bon, on verra, mais mets-le de côté, tiens. Mais tu me fais pas la morale, hein, c'est pas le moment, on travaille, là. 2 heures durant, nous avons vidé les rayonnages. Les livres étaient vautrés par terre. J'étais incapable d'opter pour un classement. Je commence à avoir faim, moi. Je contemplais le chantier, les bras ballants. Dans cet état particulier de découragement qu'a dû éprouver Dieu quand il s'est retourné au matin du 7e jour sur l'anarchie de la création. Tu veux un cachet? Non, je préférerais manger un peu aussi. Là. Bon, je vais nettoyer le mât pendant que tu fais la cuisine, d'accord? Ouais, ok. Olivia gisait par terre, sur les livres éparpillés. Elle était tombée avec l'escabeau, entraînant dans sa chute toute une série de planches en contreplaqué. Je l'ai soulevée doucement par les épaules, pour essayer de la remettre debout. Ouais. Je crois que c'est la fille, là. Je me suis tordu le pied en tombant, je suis toute démantibulée maintenant. Bon, attends, j'appelle SOS médecin. Non, t'appelles pas SOS médecin, là, c'est des foirés, ils vont me trouver une angine et je vais crever comme une cloche sous tes bouquins. Non, tu raccroches, on va aux urgences et appelle un taxi, je connais le numéro par cœur. Dans la salle d'attente, la jambe relevée sur un dossier de chaise, elle se fit une quantité d'amis. Elle sympathisa ensuite avec le jeune interne, un rouquin avenant qui diagnostiqua une double entorse à la cheville et lui banda le pied avec minutie. Maintenant, faut plus bouger pendant 15 jours. D'accord ? Et quand je dis plus bouger, c'est plus bouger du tout. Compris ? Merci. 15 jours, tu vas devoir t'occuper de moi pendant 15 jours, en fait. Bah oui, ça fera au moins 15 jours où tu sortiras pas à n'importe quelle heure avec n'importe quel imbécile. Allez hop ! Ça te fait pas plaisir ? Non, si, très. Il a fallu arrêter le taxi devant une pharmacie de garde. Puis devant une épicerie où j'ai acheté de quoi préparer le dîner. L'après-midi touchait à la soirée, quand nous sommes enfin revenus à l'appartement. Bah, au moins comme ça, tu vas pouvoir lire Les Misérables. Mais j'ai pas le temps, il faut que je travaille pour le stage de théâtre. On va jouer Les Précieuses Ridicules. Tu connais ? Bah oui. Bah, j'en étais sûre, je t'ai piqué le bouquin. T'inquiète, je te le rendrai. J'ai essayé de le lire, mais je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Je critique pas, mais franchement, tu crois qu'elle peut faire rire les gens, cette pièce ? Je suis montée dans sa chambre. À côté de son lit, j'ai ramassé le classique Larousse hors d'âge. J'ai emporté quelques vêtements, une brosse à dents, un carnet d'adresses, la photo de sa mère. J'ai donné à la porte un double tour de clé. Alors. Puis je me suis assise à son chevet, au pied du canapé, Les Précieuses Ridicules à la main. Allons-y. Contente, hein ? Tu vas enfin pouvoir me faire l'école. Très contente. Je me demande s'il fallait te casser le pied pour ça, hein. Moi, j'ai pas fait exprès, ça m'est échappé. Bon, alors, scène 1, du croisi. Seigneur Lagrange. Quoi ? Regardez-moi un peu sans rire. Vous avez plus de peur que de mal et votre cœur crie avant qu'on l'écorche. Comme un diable ! Il est écorché depuis la tête jusqu'aux pieds. Un cœur écorché de la tête aux pieds. Mais quand même, tu vois que c'est drôle, là, non ? Non. Mais écoute, fais un effort, ça, c'est la scène la plus drôle de toute la pièce. Non mais te fâche pas, peut-être que c'est drôle, mais moi ça me fait pas rire. Non mais j'ai du mal à t'expliquer, attends, on va recommencer. Quoi, depuis le début ? Mais non, juste cette scène là. Mais c'est la plus longue, t'inquiète pas, j'ai compris, ça fait une heure là que tu m'expliques. Mais j'y peux rien si ça me fait pas marrer. Mais si t'avais vraiment compris, ça te ferait marrer. Attends, au stage ils nous ont dit de lire, pas de rire. Mais justement. J'en ai marre là, tu profites pour que j'ai le pied cassé. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Un tsunami ? Jean-François considérait avec stupéfaction mon couloir encombré. Qu'est-ce que toi ? Qu'est-ce que toi alors ? Je peux toucher ? Bah non, touche pas. Arrête, touche pas. J'étais sur l'escabeau et voilà, boum, je suis tombée. Et crac, et ben j'ai cassé mon pied, voilà. C'est drôle, hein. Mais comment on va faire pour revenir de l'école? Mais t'en fais pas, je m'arrangerai avec la mère de Manon, vous rentrerez avec elle. Décidément, on peut pas vous laisser seuls 5 minutes toutes les deux. Vous faites que des bêtises. Eh dis donc, toi. Tu vas nous parler autrement, hein. Jeune insolente, va. Nous faisons ce que nous voulons de nos week-ends. Nous sommes de grandes personnes, Olivier et moi. Sans blague. Une fois que les enfants ont été nourris et couchés, je n'ai pas tardé à sentir mes paupières s'alourdir. La tête me bourdonnait, comme si des essaims de guêpes crapahutaient de mon oreille droite à mon oreille gauche, et inversement. T'as besoin de quelque chose? Non. Et toi? Non. Ou alors dormir? Tu devrais pas te rendre si malheureuse, tu sais. Tu devrais pas avoir envie de nous quitter. T'inquiète pas. Je risque rien, de toute façon, tu m'as pris tous mes médocs. Sans compter que maintenant, je vais devoir ranger la bibliothèque et puis soigner ton pied. Ouais, mais quand même, que je me conduise moi comme une tarée, je me comprends, mais qu'une femme comme toi, qui a des enfants, un travail, qui a une famille, qui a une éducation, cette femme-là, elle veut se détruire. Ça, je comprends pas. Je comprends pas. Selon toute vraisemblance, cette année-là, Olivia m'a sauvé la vie. Je ne parle pas seulement de cette déplorable fin de semaine, mais des quelques mois qu'elle a encombrés de sa présence et de sa grâce. Quand elle est sortie du canapé, sa cheville était guérie et elle connaissait les précieuses ridicules par cœur. Elle a fait son stage de théâtre, puis à force de passer des coups de téléphone, elle a fini par dégoter un travail d'animatrice dans un club de vacances. Je m'occuperai des enfants. Je pense que ça devrait aller tant que je suis avec des gosses. Hein, ça en pense. Sa semaine d'essai se déroulait à la Grande Motte. C'est sûr. Elle en est revenue ravissante et bronzée. Ce travail saisonnier lui plaisait, surtout parce qu'il lui permettait d'économiser et de continuer à faire ses stages. Puis, à la rentrée suivante, elle a décidé de déménager. C'est vrai, quoi. Je peux pas continuer à vivre ici jusqu'à ce que je sois vieille. Elle a pris une chambre dans un foyer de jeunes travailleurs où l'une de ses copines habitait déjà. Suzanne et Gaspard lui en ont beaucoup voulu de ce départ, dans lequel ils voyaient une forme d'abandon. Au début, Olivia revenait souvent les voir, les bras chargés de viennoiseries. Et puis, un jour, elle n'est plus revenue. Elle me laissait des messages de loin en loin, du fond de je ne sais quel chef-lieu de canton où elle donnait un spectacle. Fidèle à elle-même, elle avait pris une nouvelle direction. Sans moi. But these days, sans moi. Un roman de Marie Desplechin, publié aux éditions de l'Olivier. Adaptation, Catel Guillot. 10e épisode. Avec Marie Payen, Judith Chemla, Éric Caruso, Grégoire Boja, Madeleine Ziadé et Ambroise Maran. Bruitage, Sophie Bissons. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Philippe Redin, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossier.